de discours et dans ce type de traitement d'information. Voilà. Je vais vous libérer pour ce aujourd'hui. Je vous vois jeudi la semaine prochaine et nous continuerons notre exploration des modèles du chapitre 3. Enfin, à la semaine prochaine.